Chapitre 4. La Myrologitre. À quelques milles de Nax, et sur la crête arrondie d'une colline, s'élevait un bois de frênes et d'oliviers où le jour pénétrait à peine et dont la solitude rappelait celle des anciens bois sacrés. C'était un passage peu fréquenté, car il n'y avait au-delà qu'une montagne aride, nue, escarpée, et un peu plus loin, l'océan. À la vue de cette nature inerte, de ces rocs dépouillés, géants immenses qui baignaient leurs pieds de marbre dans les flots de la mer Égée, le voyageur eût pu se croire dans un désert. Mais parfois, quand les grandes voix de la cathédrale annonçaient la mort de quelque éminent personnage, un messager, parti de Nax, traversait le bois et s'engageait d'un pas hardi dans les obscurs défilés de la montagne. Au fond de ce désert, en effet, se détachait dans les teintes noires de l'ombre une habitation isolée, d'une architecture barbare et d'un aspect misérable. C'est là que vivaient en corporation et dans un isolement absolu 10 femmes, d'âges différents, dont le caractère inspirait une sorte de vénération religieuse, bien qu'elles ne relevassent aucunement de l'Église. On les appelait myrologitres ou filles de deuil, et leur présence était regardée comme indispensable aux funérailles des grands seigneurs. Le lendemain du jour où s'étaient passés les faits racontés plus haut, les myrologitres étaient assises autour d'une table pauvrement garnie. De grossières couronnes de maïs et quelques raisins séchés au soleil composaient tout leur repas. Leur costume, d'apparence assez lugubre, consistait en une tunique noire, retenue vers le milieu du corps par une corde jaunâtre, et une coiffe de serge brune qui renfermait leur chevelure. « Il serait vrai, Maritza ?» dit la plus jeune à celle que son âge semblait avoir investi d'une sorte d'autorité. « Le duc Jacques serait mort en si peu de temps ?»« En moins de 6 heures, » répondit Maritza. « L'écuyer qui m'en a apporté la nouvelle était encore étourdi du coup. Le prince Jean est, dit-on, inconsolable. Mais les moments sont précieux. Dioliel, préparez tout ce qu'il nous faut. Nous ne tarderons pas à nous rendre au palais. » Dioliel obéit, mais elle revint presque aussitôt en disant « On frappe, Maritza. Il faut ouvrir. C'est sans doute quelque voyageur égaré. » Dioliel avait ouvert. Une femme voilée parut au seuil de l'obscur réduit. « Entrez, » dit Maritza. « Le soleil est brûlant et vous avez besoin de repos. »« Ce n'est pas le repos que je cherche, » répondit Diane en levant son voile, « car j'arrive de Nax en courant. Et l'espoir d'obtenir de vous une grâce d'où dépend plus que ma vie m'a fait oublier la longueur et la fatigue du chemin. » « Que peuvent pour votre bonheur, Sainte Vierge, de pauvres créatures comme nous ? Ordonnez, nous obéirons. »« Je n'ordonne pas, je prie. Et ce que je demande, c'est une place parmi vous. C'est un costume semblable au vôtre, c'est le droit d'aller sur le cercueil des morts, implorer la miséricorde de l'Éternel. » « Y pensez-vous ? » s'écria Maritza en joignant les mains. « Un métier comme celui-ci n'est qu'un refuge contre la misère ou un moyen de pénitence pour acheter une faute. Mais vous, quel motif ? Ne m'interrogez pas, je ne pourrai vous répondre. » Une larme coula sur sa joue. Joliel s'en aperçut et adressa à la vieille un regard suppliant. « Certes, je ne demanderai pas mieux que de vous satisfaire, » reprit Maritza, « mais les statuts de notre corporation et la décision formelle de notre saint archevêque ne nous permettent point d'être plus de 10. Notre mission est de représenter la Vierge Marie, les 7 péchés mortels, l'ange du ciel et le démon de l'enfer. En tout, 10 personnages, pas un de plus, pas un de moins. Vous recevoir aujourd'hui serait donc faire tort à l'une de nous, car les funérailles du duc Jacques nous occuperont toutes, et l'on n'a pas souvent de pareilles aubaines. Vous voyez donc bien que c'est impossible. À moins que l'une de nous ne consente à lui céder sa place, hasarda Joliel, dont les jolis yeux se fixaient sur Diane avec une douce compassion. À la bonne heure, mais qui voudra renoncer ? Moi, dit résolument Joliel. Pauvre enfant, s'écria Diane en lui serrant tendrement la main, tu as le cœur bon comme tout ce qui est jeune et beau, prends cet or, et plus tard, tu verras si je sais reconnaître un bienfait. » Les myrologitres, qui d'abord avaient lancé à Joliel un regard moqueur, ne purent s'empêcher de soupirer en entendant le son de la bourse qui passait dans ses mains. Chacune d'elles regretta de ne s'être pas dévouée. « Serais-je auprès du duc Jacques ?» demanda Diane à qui Joliel venait d'apporter ses habits. « Le devoir du bon ange est de ne pas quitter un instant le défunt, » dit Maritza. C'était le rôle de Joliel, c'est maintenant le vôtre. Vous veillerez sur son âme jusqu'à ce qu'elle s'envole dans le ciel. Peu après, Maritza donna le signal du départ. Les myrologitres, dont le visage était couvert par d'épais capuces noires, se dirigèrent vers Nax et arrivèrent processionnellement au palais ducal. Tous les attributs d'une douleur solennelle y étaient splendidement déployés. La salle du trône, surtout, où l'on voyait Jacques couché sur un lit de parade et revêtu de ses plus riches habits, brillait d'un éclat oriental. Tous les vitraux étaient masqués par d'épaisses tentures de damas noir semées d'étoiles d'argent, et on eût tenté vainement de compter les lumières innombrables qui figuraient de loin une étincelante traînée de feu. L'archevêque de Nax, assisté du chapitre entier de saint Jean, priait au chevet du trépassé, et vers l'extrémité inférieure du lit se trouvait ménagé un large espace par où défilèrent successivement les envoyés de l'empereur Mahomet, les représentants de la République de Venise, une députation des chevaliers de Rhodes et tout ce que Nax renfermait alors de nobles seigneurs de toutes les parties de l'archipel. Quelques gens du bas peuple furent même admis à jeter l'eau sainte sur le corps de Jacques, et ce fut ce moment que choisit Jean Crispo pour apporter lui aussi, dans cette triste enceinte, le tribut officiel de ses regrets. Son front hâve, ses joues creusées, pouvaient donner aux assistants une idée favorable de la vérité de son chagrin. Quant à Marc et Guillaume, la stupeur où les avait jetés cette mort subite les empêchait de jouer leur rôle avec autant d'habileté que Jean, et les regards défiants qu'il lui lançait à la dérobée prouvaient assez qu'il le soupçonnait d'avoir voulu éviter, en se suffisant à lui-même, les embarras, ou plutôt les obligations, d'une double complicité. Quand le prince Jean fut vis-à-vis du lit de Jacques, il mit un genou en terre, et l'archevêque, s'avançant vers lui, plaça à son côté l'épée héréditaire des ducs de Nax. Jean la tira du fourreau et l'élevant en signe de croix. « Dieu veuille, s'écria-t-il d'une voix émue, que ce fer soit aussi léger à mon bras qu'il fût redoutable aux mains de François mon père, et qu'il eût été glorieux dans celle de mon frère Jacques si l'impitoyable mort ne l'eût désarmé si tôt. » On se rendit au cimetière. Le monument de la famille des Crispo, bâti du plus beau marbre de Paros, brillait au reflet d'or de l'illumination comme une énorme perle de jais. Mais, suivant un usage antique, à chaque strophe des litanies que les moines récitaient en chœur, une des lumières s'éteignit. Quand il ne resta plus que quelques cierges allumés, les myrologitres procédèrent à leur dernier cérémonial. La Vierge Marie imposa les mains sur la tête de Jacques et se retira en le bénissant. Puis, ce fut le tour des sept péchés mortels conduit par le mauvais ange qui n'était autre que Maritza. Ils passèrent l'un après l'autre, cherchant à toucher le cercueil, ne fût-ce que du bout des doigts. Mais le bon ange étendait la main, et les myrologitres reculaient épouvantés, et exprimaient par des contorsions et des cris étranges le désespoir qu'ils éprouvaient de n'avoir point gagné cette proie à l'enfer. Après cette cérémonie, consacrée par la superstition, tout le monde était tenu de se retirer. Le bon ange seul devait demeurer pour donner à l'âme du mort, prête à s'envoler au ciel, la bénédiction du départ. La nuit s'avançait, une nuit d'été, toute blanche et brodée d'étoiles. La lune montait silencieusement dans l'espace en se mirant dans la mer. Diane était seule. Elle suivit de l'œil l'éclat lointain des torches et écouta les derniers murmures qui fuyaient dans la direction de Nax. Alors elle vint droit au cercueil, versa sur le front de Jacques quelques gouttes d'un baume odorant. Puis elle s'agenouilla, elle n'avait plus qu'à attendre et à prier. Au bout d'une heure, Diane se releva et l'écho répéta un cri de joie, car Dieu avait exaucé la jeune fille et la tête de Jacques, froide et pâle, venait de se dresser hors du tombeau.